aprende ici, y a tout ni ni I'm prière dans nos cœurs. Tout ce que Dieu a connu d'avance, il a les a prédestinés, semblable à l'image de son Fils. Afin que son Fils Jésus-Christ soit le premier-né d'entre beaucoup de frères. Quand nous voyons ce plan de Dieu, alors cela génère une prière dans notre cœur, d'être semblable à lui, d'être l'image de Christ. Prions. Dieu Tout-Puissant, exauce notre prière chante. Nous venons de la dire par les chants. C'est au nom de Jésus-Christ que nous chantons. Tout ce que nous faisons en parole, tout ce que nous chrétiens faisons, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par là, nous rendons grâce à ton Dieu, notre Seigneur. Reçois cette prière. Venant de chaque cœur, il l'a formulé sincèrement. En chantant sincèrement, en s'attendant à toi, l'espérance d'Israël, l'espérance de ton peuple. Merci pour ce privilège que tu nous accordes maintenant d'être rassemblés au nom de Jésus-Christ. Merci Père, pour l'occasion que nous avons, dans le climat de Père, de t'adorer, de nous rassembler. Maintenant, accueille chacun de nous favorablement, devant ta sainte face. Ne nous détruis pas, mais édifie-nous. Remplis-nous de ta puissance. Console nos cœurs. Guéris nos corps. Change nos caractères. Délivre nos esprits. Fortifie notre foi. Suscite même la foi. Là où il n'y en a pas, Seigneur. Élève-la à la perfection. Augmente le niveau de cela. Elle sera plus capable qu'avant. Car la foi sans les œuvres est inutile. Et la peine. Oh Père, la foi sans les œuvres est morte. Mais c'est toi la puissance qui fait agir la foi. C'est l'amour divin. Dans nos cœurs, l'amour de Dieu ne soit pas slogan. Mais que ce soit une puissance agissante qui nous anime et nous attache bien. Bondis-nous ce matin. Parle à chacun de nous. Par l'évangile de vérité, la parole du salut. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans la Bible. Nous nous invitons dans Romains chapitre 11, le verset 29. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, le verset 14 à 20. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Sa commission. Et il rappelle l'expérience mémorable du 7 mai 1946, date qui est survenue un jour après la signature du traité de paix pour faire d'Israël une nation à nouveau. L'événement d'Israël a eu lieu le 6 mai. Et alors la nuit du 6 au 7, l'ange du Seigneur est venu entrer chez frère Branham. Et il lui a donné des directives. Rappelez l'année passée. À l'époque de la pose de la pierre angulaire. Vous vous rappelez, non, après la pose de la pierre angulaire, avant que nous puissions débuter les travaux de fondation, nous avons eu à nous remémorer un peu encore ça. En rapport avec Israël, l'événement du 6 mai 1940, qui était préparatoire de la date historique du 14 mai 1940. Ou par une déclaration, le président américain, le docteur Truman. Ça, je l'ai dit par moi, c'est comme ça. Hein. Bon, j'essaye de vous dire, je n'avais pas pensé à tout ça. Truman, il a fait une déclaration de reconnaissance. Il a reconnu l'État d'Israël comme une nation indépendante. C'était le 14 mai 1948, donc environ 2 ans après la signature du traité de paix. Or, à l'époque où l'on a signé le traité de paix, parce qu'il y avait des guerres régionales dans les territoires palestiniens pour le contrôle du territoire, on a signé le traité de paix en 1946. La nuit de cela, l'ange du Seigneur est venu. Nous allons le lire ce matin, Dieu. Alors que nous avons entendu au courant de toute cette semaine, les 3 jours de la semaine, il est revenu quand même d'une façon où Jésus était un petit homme. Et nous avons fait remarquer, que l'ange du Seigneur qui venait après Branham n'était pas le Seigneur Jésus. Et j'ai reçu une question pendant un de mes frères. Parce que vous avez dit ça, mais maintenant, n'est-ce pas que Frère Branham dit que l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même? Justement, l'ange du Seigneur qui est le Seigneur lui-même, c'est l'ange du Seigneur qui a l'aspect de la colonne de feu. Il était dans les buissons ardents, il a rencontré Saul de Tarse sur le chemin de la marche. Cet ange du Seigneur là, Étienne a parlé que l'ange qui est devant la face de Dieu, l'ange qui est devant la face de Dieu, qui avait donné à Moïse les oracles du Dieu vivant. Cet ange là, c'est Dieu lui-même. Déjà même quand vous lisez Exode 3, il est dit que l'Éternel lui a paru à Moïse, bien sûr. Mais quand vous continuez la lecture, il dit que c'est l'ange de Dieu qui lui a paru. Donc l'ange du Seigneur, qui est le Seigneur lui-même, c'est l'ange qui a l'aspect, la forme de la colonne. Il vient comme porteur de message à ses enfants, à nos frères et sœurs, à son peuple. Ok, ça c'était pour distinguer l'ange Et puis, cet ange-là du Seigneur, il y a l'aspect de la colonne de feu, c'est lui-même en personne, il était descendu le 18 juin 1980, il a donné la première commission de William Branham. C'était le Seigneur lui-même. Et il a parlé au pronom personnel. Vous vous souvenez? Quels étaient les termes, les paroles de la commission? De même que j'ai envoyé. Donc ça, ce n'était pas quelqu'un que Dieu a envoyé. Ça, c'est la personne même qui avait envoyé Jean-Baptiste. Il s'était tenu présent ce jour-là à la rivière de la rue. Qui est descendu visiblement. Qui a dit de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. De même, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Qui doit revenir, un an? Ma seconde venue. C'est le monde entier. Je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Celui qui parle, c'est celui qui était déjà venu. Et celui qui était déjà venu, c'est Jésus-Christ. Et celui qui doit encore venir, c'est Jésus-Christ. Mais avant qu'il ne revienne, il envoie un homme avec un message pour préparer sa seconde venue. Cet ange qui est descendu, visiblement là, c'était le Seigneur notre Dieu lui-même. Visiblement. Et il a commissionné de manière audible son prophète. En présence de milliers de témoins. Là, il est venu lui-même. Et c'est la première commission. Amen. La première commission. Maintenant, dans la deuxième commission, le Seigneur Jésus n'est pas venu lui-même. Le 7 mai dont nous parlons ici, un ange qui a été envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant. Il s'est présenté lui-même comme cela. Parce que quand il est apparu, il est vraiment dans la chambre. C'est comme s'il a attrapé le Tout-Puissant. Un être puissant. Mais un homme grand. Vous entendez ça? Un homme grand. Il semblait peser 90 kilos. Un homme qui n'avait pas de gel. Mais un grand homme. Qui n'avait pas de gel. Et lui ne craint pas. N'ayez pas peur. J'ai été envoyé. De la présence du Dieu Tout-Puissant. Pour te dire le pourquoi de ta vie. C'est que tu es né sur la terre comme porteur. Et tu devras prier pour les hommes de toute la terre. Tu prieras pour les potentats. Le roi, l'humilité. Un homme grand. Mais Jésus lui-même, créateur de l'univers, un petit homme. Mais les anges qui le servent, les castards, ne regardez pas l'apparence. Ne jugez des personnes selon leur apparence. Méfiez-vous d'ailleurs des apparences. Même le somme de la terre dit que l'apparence qui sait que c'est vrai là? Dans le livre des hommes, l'apparence trompe. Que Dieu nous aide à être correct. Ne minimisez pas quelqu'un par son apparence. Derrière ce que vous voyez de méprisable, des fois c'est pas. Derrière ce que vous voyez de trop simple, c'est quand même de puissance. Essayez de discerner l'esprit. Jésus lui-même, un petit homme, Mais l'ange qui vient de sa présence, un grand homme, à voir la corpulence, il était pieds nus, il n'avait pas des ailes, parce que les anges de Dieu n'ont pas des ailes. Vous savez que c'est vrai, vous avez les croyances catholiques romaines, il était mort des jours, il dessine les anges avec des ailes, il va faire des illusions. Il faut dessiner des choses qu'ils imaginent. Ce sont des fables d'après la Bible. Venez à la révélation. La seule catégorie des êtres angéliques qui a les ailes, ou Vasaline ou Papou, il y en a deux. Deux catégories. Les séraphins. Et d'ailleurs, les séraphins. Et les. Ce sont des ordres célestes, des créatures célestes qui sont devant le trône de Dieu. Les chérubins sont des porteurs du trône. Dieu, il est le grand roi de l'univers. Non. Quand il doit se déplacer, il y a quatre chérubins aux quatre cornes de son trône porte le trône de Dieu. Amen. Et autour de ce trône, il y a également des chérubins puissants. Il y a des ailes déployées. Déployées. Ça veut dire prêtes à intervenir. Ils n'ont pas les ailes abaissées comme ça. Fatiguées. Des ailes déployées. Si il faut se déplacer, c'est à moins d'une seconde. Ils sont partis. Il suffit que Dieu ordonne. En un tiers de seconde, ils nous atteignent le Ils ne connaissent ni embouteillage, ni blocage. Mais ce sont les créatures de notre Dieu qui sont à son service d'une taille géante. Mais ils servent un petit homme. Amen. Celui qui est assis sur le trône, un petit homme. Mais eux-mêmes, des castrats. Chérubins protecteurs du trône. Et il y a des chérubins porteurs du trône. Les gardiens du trône. Wow. Ah, le psaume 99, là. La Bible dit que l'Éternel est venu sur un chérubin. On ne va pas entrer là-bas. On risque d'aller encore plus loin. Laissez-moi le dire seulement en passant, s'il vous plaît. Vous pourrez aller méditer vous-même. Des chérubins, des séraphins, tout ça. Vous allez méditer pour vous-même à la maison. Vous entrez là-bas, on risque de. Je n'ai même pas. Risque d'aller très loin. Voilà. Que le Seigneur nous pardonne. Maintenant, comprenez qu'il était un petit homme. L'ange qui est venu à Fébrenam le 1948. Alors, les deux événements se sont tellement suivis. Et par le moment, Fébrenam, la commission là, il a eu ça les 6 mai. Par moment, il dit les 7 mai. Donc, l'événement suivi Israël et la commission que lui-même a eu. Par moment, vous aurez des situations où il est parlé du 6 mai, des situations où il est parlé du 7 mai. Parce que les deux hommes les mettaient ensemble en voyance. Il y a deux qui avaient voulu que ce soit ensemble. Et l'année passée, comme je disais tantôt, je disais, le Dieu même qui ramène Israël, il est celui qui t'apporte la guérison. Vous vous souvenez de ce petit sujet? Nous avons médité ça ici. Le Dieu même qui ramène Israël. Dieu qui rétablit Israël. C'est le même Dieu qui t'apporte la guérison. Je suis l'Éternel qui t'apporte la guérison. Donc d'un côté, il y a Israël qui se remet. Et en même temps, il y a un don de guérison que Dieu envoie dans toutes les nations. Comprenez que le Dieu d'Israël est le Dieu de l'Israël. Oh, comme c'est bon. C'est tellement bon ce jour. La bonté de Dieu envers nos pauvres âmes. Alors, quand ce programme a prêché le 17 janvier, la prédication intitulée « Comment l'ange est venu à moi ?» Ça, c'est un condensé de deux titres. Par la voix de Dieu, la première partie, c'est l'histoire de ma vie. Donc, notre âme la raconte lui-même, Dieu de la chair, l'histoire de ma vie. Et c'est abondant là. Pour montrer le caractère irrévocable et même involontaire pour les humains. Que les dons, les ministères, tout ça, c'est pas le choix de l'homme, son ambition, ce qu'il veut. Mais c'est ce que Dieu décide. Les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Vous dites amen. Vous avez les bons mots. Et c'est bien beau. C'est très beau. Comme il l'a dit lui-même là-bas. À la page 50. À la page 50. Je prends le troisième alinéa. Comme je vous ai dit, vendredi. Cette brochure ici. Il n'y avait pas de paragraphe. Alors, je dis là ceci. Maintenant, si vous voulez écouter rapidement, là, il faut que, étant donné que nous ne sommes que quelques-uns ici. C'est donc le moment opportun de dire ces choses. Vu qu'il est question de ma vie personnelle. Et c'est pour cette raison que j'ai lu ce passage de l'Écriture. Pour que vous puissiez voir que les dons et les appels, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on peut mériter. Les dons et les appels, ce n'est pas quelque chose que l'on peut mériter. Ce n'est pas que tu as fait ceci et cela et moi, alors Dieu en retour, je te donne. Les dons de Dieu ne tiennent pas comme ça. Ce n'est pas sur base de mérite. Dieu ne nous donne pas des dons sur base de mérite. Tu as fait une certaine œuvre. Et lui, Dieu dit maintenant, ensuite, il dit, c'est pas ça. Les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Ils ne dépendent pas de vos œuvres. Ils ne dépendent pas de vos services. Ils ne dépendent pas de vos réalisations. Mais ils dépendent de la préscience de Dieu. Peux-tu croire que c'est vrai? On va plus loin ici. Sixième alinéa. Cinquième. C'est le dernier sur la page. Toutes ces choses, c'est la préscience de Dieu. Vous voyez? Quand il les a annoncés, il a dit ce qui arriverait, et il les connaissait d'avance. Or Dieu, pour être Dieu, nous devons connaître la fin dès le commencement. il n'aurait pas été le Dieu infini. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Absolument pas. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Mais au commencement, du commencement des jours, le monde, Dieu savait très précisément qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé. Dans sa volonté, il ne voulait pas que les gens soient perdus. Ce n'est pas de sa volonté qu'aucun soit perdu. Mais c'est sa volonté de sauver tout le monde. Mais seulement, il savait dès le commencement qui serait sauvé et qui ne le serait pas. C'est pour cette raison qu'il pouvait dire à l'avance que cette chose-ci arrivera. Et cette chose cela arrivera. Ou ceci sera comme cela. Et cette personne ici sera de telle façon. Là, cela, préscience de Dieu. J'ai dit amen. La préscience de Dieu. Il a fait ça. Parce qu'il connaît d'avance. Il connaît ce que contiendra votre après-midi d'aujourd'hui. Tous les mouvements que fera votre corps. Le nombre de pas que feront vos pieds. Le nombre de clignements des yeux que vous ferez. Après-midi. À commencer de 12h juste. Au moment où vous allez fermer les yeux pour dormir. Dieu connaît à cet instant même. Précisément combien de fois tu vas battre vos pieds. Est-ce que toi tu le sais? C'est pourtant ton corps. Et ça te concerne. Et ça, mais tu ne le sais pas. Dieu te connaît mieux que toi-même. S'il connaît ce qui arrivera l'après-midi, il connaît tout le contenu de toute la semaine qui commence. Jour après jour. Les jours où tu faibliras un peu, Dieu le sait. Au courant de cette semaine, où tu auras un peu mal au poignet, ou au coude, et même l'heure et la minute où la douleur va commencer. Dans ton corps, Dieu le sait. Il connaît le nombre de fois que tu vas faire l'insomnie toutes les nuits de cette semaine. L'heure à laquelle le trouble du sommeil va commencer. Dieu le sait. Et toi, tu n'en sais rien. Parce que Dieu et omniscient. Et dans son omniscience, il est et y a une partie de son omniscience qui s'appelle la préscience. La connaissance d'avance. La préconnaissance. Connaître à l'avance. C'est une partie de l'omniscience de Dieu. Il connaît d'avance ce qu'il y aura. Même le nombre de fois que tu diras amen à la prédication de son matin. Mais toi-même qui es venu à l'église, tu ne sais pas combien de fois ta bouche s'ouvrira pour dire amen. Même plus simple encore. Si nous faisons recul, c'est que la prédication a commencé. Sais-tu combien de fois tu as dit amen? Pourquoi tu veux le faire hier? Même pas une année. Il n'y a pas une année. Même pas une semaine. Même pas une semaine. Et depuis quelques minutes qu'il a pris des choses. Il a fait et tu as oublié. Mais Dieu ne l'oublie rien. Zambé, à vous sera quelque chose. Parce que vos péchés confessés, vous allez vous faire ma soumou, la vie ne sera pas la même chose. Mais toutes les bonnes choses que vous faites, moment, vous allez ça là, tous les actes de bien, ça là, ça Dieu n'oublie rien du tout. Zambé, à vous, ça n'a pas mon côté. Il en conserve les souvenirs. Pour vous en donner la récompense. En son temps. N'est-ce pas merveilleux? Ce Dieu-là n'est-il pas merveilleux? Toi, tu peux faire du bien et même oublier. Mais quand on te fait du mal, tu n'oublies pas. Dieu, lui, on lui fait du mal, il oublie. Mais ton bien, il garde. Même une petite puissance que tu as. Il garde ça. Et il va t'en donner une récompense. Amen. En son temps, et de sa façon. N'est-il pas merveilleux? Ce Dieu-là n'est-il pas merveilleux? Et quand il a envoyé les dons à Frère Branham, il a donné la commission en 1947. Certains d'entre nous n'étaient pas encore nés. Bon nombre d'ailleurs. Hein? Qui était né en 1946? Ici parmi nous. Quand tu n'as vu quoi, va? Tobotamatate. Quand Dieu faisait ces choses pour Branham. A commencé par moi ici. Je ne suis pas de 1946. Ok, les mots. Mes frères, mes soeurs. 1946. Quand ces choses-là s'est passées, il n'y avait pas. Mais Dieu te connaissait. Que tu seras bénéficiaire de ces dons-là. Dis là, mais comment? De ce don-là. Mais il est mort aussi avant que moi je ne sois pas. Comment je serai bénéficiaire? Dans l'heure de détresse, pour qu'il y ait l'éternel, et l'éternel envoyait sa parole pour les guérir. Le don a apporté le message. Et sur les bandes, il y a des prières. Savez-vous que jusqu'à présent, il y a des gens qui expérimentent la guérison de Dieu. Et rien qu'en écoutant les bandes, et de graves maladies sont guéries. Amen. Quand on a prêté foi à la prière du prophète, Amen. L'homme que Dieu a utilisé n'est plus là. Mais la parole du Seigneur dans sa bouche demeure éternelle. Elle garde la même vie et la même puissance. Tout dépend de ce que tu crois. Et qu'il sera fait selon ta foi. Ouvrez-vous. Amen. Ne vous mettez pas à aller dans les maisons de Mandona, de Mikoubi, aller faire communion avec les esprits d'Inkita, la religion du Zébola, tout ça pour chercher du secours dans vos souffrances. Les pratiques du Zébola et d'Inkita, ça ne sert à rien. Nous avons la parole qui contient tout ici. Élevez votre foi envers Dieu. Vous verrez la solution à tous les problèmes. Rien n'est impossible à votre Dieu. Il a envoyé la parole pour vous guérir. Il chasse les mauvais par sa part. Amen. Tu peux mettre, jouer juste une prédication dans ta maison. Amen. Il y a beaucoup de démons qui étaient postés là-bas près de toi. Loin de tes regards. Amen. Ne vous laissez pas. Entre-toi la bonne atmosphère autour de toi. Amen. Au lieu de cris de chiens et de chats là-bas. Criant. Non. Mettez la bonne humeur. La bonne parole de Dieu, c'est le jour de la parole est une puissance contre les démons. Amen. Et une lumière qui chasse les démons. En elle, il y a le pouvoir de vaincre. Les choses visibles et invisibles. En elle, il y a le pouvoir de créer. À l'existence, ce qui manque d'abord. Amen. Avez-vous confiance? Tu peux mettre les témoignages de Atiwa est en train de jouer. Abraham en train de raconter comment l'exécution. Et quelque chose est arrivé à Atiwa qui est croyé. Dans ta maison. Tu peux passer la même bande. Où l'on raconte comment les écrits ont été écrits. Et tu peux dire comment tu vois? C'est l'exact vérité. Et Dieu peut trouver plaisir à ta parole. Dans ta maison, même maintenant. Il peut envoyer une bénédiction. Et un vieux démon qui te lie. Et démon a eu à brisé la même. Il dira au secours brisé la même. Parce que la puissance créatrice est en action. Ton Dieu est le vivant. Il est le tout puissant. Vous aimez ça? Gloire à Dieu. Donc, Abraham, après ça, il a prêché en prenant Romains 11, pour prêcher comment l'ange est venu à moi, et il vous montre que ces choses-là, ce ne sont pas des choses que vous méritez. C'est pas lié à des œuvres, à un travail quelconque, mais c'est lié à la Dieu savait que vous le ferez. Et il vous l'annonce au temps marqué par lui. Êtes-vous là? Vous allez là? Alors, le même Covenant avait aussi approché sur sa commission en 1951. 4 ans avant cette prédication à laquelle vous en 1951, il avait prêché un sermon intitulé Ma commission. Ok. Alors, dans cette prédication-là, ma commission, chez les 5 mai 1951. Paragraphe 34 d'abord. Je lirai encore le paragraphe 85. Étranger dans nos murs, peut-être que vous n'avez jamais vu le discernement spirituel des malades. Il s'adresse là aux nouveaux venus. Il dit, peut-être vous, étrangers dans nos murs, peut-être que vous n'avez jamais vu le discernement spirituel. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit fera. Peut-être qu'il prendra quelqu'un dans la rue, ou quelqu'un me demande ce qui cloche, ou quelque chose comme cela dans sa vie. Peut-être quelqu'un, un pécheur, qui passe par l'espace, il peut m'appeler là même et m'arrêter. Généralement, après que les gens ont assisté à la réunion et qu'ils ont vu beaucoup de choses être dénoncées, généralement, ils se répandent avant de venir à l'extérieur. Et ils se préparent. En effet, beaucoup de choses horribles ont été révélées aux gens. Et autres à l'extérieur. Et vous en êtes témoin. Non, vous allez vous en dire quelque chose. N'est-ce pas? Bon. Mais les nouveaux venus, peut-être que ils n'ont jamais expérimenté le discernement spirituel des maladies. Tu peux être dans un cas extrême de souffrance et de détresse. Il n'y a pas ce qui fait Vous êtes en train de jouer une bande. Voilà que l'on parle exactement de ton cas. Pourquoi ne pas saisir l'occasion et reconnaître que c'est la visitation de Dieu? Crois à la parole prêchée. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Quand il est prêché que tu l'entends, voilà. Dieu peut faire des grandes choses. Avancez simplement. Sans trop raisonner. Alors, dans le paragraphe 85, ma deuxième et troisième partie, et pendant que je me tiens ici, je vous regarde. Je peux vous dire ce qui cloche chez vous. Je vous regarde. Je vous regarde. Je peux vous dire ce qui cloche. Mais la raison pour laquelle je n'en, la plupart des fois, je parle à ceux qui sont dans le fauteuil roulant. Et quelqu'un dirait, eh bien, n'importe qui peut regarder, et là, il dit, cet homme était estropié. C'est exact. Il était estropié. Vous voyez? Mais mon ministère ne consiste pas tellement en cela. Mon ministère, il consiste à voir quelqu'un qui est en bonne santé et puis lui dire ce qui ne va pas. Vous voyez, quelqu'un apparemment en bonne santé. Mais mon ministère consiste à lui dire ce qui ne va pas. Et vous le remarquerez. Quel drôle de ministère. Parce que Branham, dans la prédication, ma commission. Et pour prêcher cette prédication, il avait lu dans Jacques chapitre 2, à partir du verset 14, et il est allé jusqu'à lui, il est parti sur Rahab, et des choses comme ça. Hein? Mais il a parlé de ma commission. Mais le texte de base, Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Mes frères, si quelqu'un a la foi, il prétend avoir la foi, et que cette foi la manque des choses, une telle foi peut-elle le sauver? Nous ne devons pas nous borner à la théorie de la foi. Il faut que notre foi confessée soit une foi démontrée. Une foi prouvée. Une foi manifestée. Une foi confirmée. C'est ce genre de foi que chacun de vous doit prospérer. C'est ce genre de foi que chacun de vous doit prospérer. Une foi réelle et tangible. Le produit des œuvres concrètes. Pas une foi fictive. Imaginez. Fabuleuse. On n'a pas besoin de ce genre de fabuleuse. Théorique. Car une foi théorique ne sauvera personne. Notre foi doit se démontrer. Vous vous souvenez que vendredi, nous allons produire la même prédication. Nous avons lu Marc chapitre 7. À partir du verset 15, jusqu'au verset 18. Nous ne perdons pas les références. Vous les gardez avec nous, c'est votre volonté. Et là, le Seigneur a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Après le Seigneur, la foi ne doit pas être un mythe, une théorie, une fable, mais encore moins une imagination. La foi, car elle sera là, elle sera accompagnée de miracles. Et là, il a dit à mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles. Ils saisiront des serpents. S'ils prennent quelques breuvages mortels, cela leur fera point de mal. Cinquième et dernier signe. Ils imposeront les mains aux malades. Amen. Et les malades seront guéris. Ce sont là les signes miraculeux. Ou les miracles qui doivent accompagner chaque personne qui croit l'évangile de Jésus-Christ. Homme ou femme, jeune ou adulte, garçon ou fille, pour celui qui croit l'évangile, on doit avoir ce signe-là, la foi. La foi ne doit pas être qu'une déclaration, mais elle doit être une démonstration. Sommes-nous tous d'accord? Et chacun doit faire l'inventaire de sa marche spirituelle. Mais il faudra pas en parler de sa commission. Il dit, mon ministère, hein, que n'importe qui peut regarder, tu peux regarder la forme du corps d'une personne, c'est ton métier, et c'est comme si tu joues aussi au discernement d'une façon. Tu peux regarder la forme d'un homme pour dire, cet homme est fait ceci. Tu dois avoir été guéri d'une fracture. Tu peux regarder, cet homme est fait ceci. Mais Branham dit, mon ministère à moi, ne consiste pas trop en cela. Mon ministère consiste à vous regarder. Même si vous êtes apparemment bonne santé, vous pensez que tout va bien. Je vais vous dire ce qui ne va pas. Donc, c'est comme si il déclare être un sosamambo. William Branham. A problème. Mais comment on a fait la bien, n'a pas de moussala, n'a pas de moussala, n'a pas de moussala, n'a pas de moussala, n'a pas de moussala, n'a pas de moussala, n'a pas de moussala, n'a pas de moussala, n'a pas de moussala, n'a pas de moussala, n'a pas de moussala, n'a pas de moussala, n'a pas de moussala, n'a la chose va s'aggraver. Mais tu es appelé à croire que le don t'a dit la vérité. Utilise ton discernement à reconnaître ce que le don a dit. C'est ça qui est difficile. C'est ce que dans ta deuxième commission, il a dit. Si tu amènes les gens à te croire. Avec ce genre de dons, comment quelqu'un va-t-il croire? Moi, je suis apparemment en bonne santé. Et toi, tu as reçu un don de la part de Dieu. Et lui va venir me dire ce qui cloche à moi. Ce qui ne va pas. Pendant que moi, je me suis en bonne santé. Maintenant, Branham doit amener ces gens-là à les croire. Est-ce un travail facile? Délicat. C'est ça la deuxième commission. Amener les gens à les croire. Ah. Mais des gens qui sont apparemment bonnes sens. Et l'homme doit croire que c'est vrai. En autre façon, on risque de dire, mais, il y a un peu de temps, tu vois le problème, et puis, il y a un peu de temps, il y a un peu de problème. Non, parce que le problème, c'est, Dieu te connaît mieux que toi-même. Nous l'avons dit, nous le répétons ici. Ne pensez pas trop connaître toi, votre sujet. Votre créateur vous connaît mieux que vous-même. Tu peux aller même au laboratoire. Et même dans notre médecine, il y a un livre intitulé. On ne trouve rien au dispensaire et pourtant je suis malade. Vous pouvez aller à l'hôpital, dépenser l'argent et faire tout. Et on vous dit qu'on n'a rien trouvé. Mais tout même dans votre corps, dignez de vous. Mais ça ne doit pas quelque part. Mais c'est quoi exactement? Vous ne savez pas. Vous savez que ça ne va pas quelque part. Vous allez jusqu'à consulter, vous pouvez examiner. Mais partout l'examen, c'est malade. On ne trouve rien. Et quand on vous dit qu'on n'a rien trouvé, ça ne va pas quelque part. Mais il faut un don de Dieu. Là où votre connaissance est limitée, là où vos efforts s'achèvent, mais non, il ira au-delà. Et pointez du doigt. C'est là ce que Frère Bruno m'appelle le discernement spirituel de malade. Non pas la découverte des diagnostics, mais le médical. Le minganga, c'est la tête qui fonctionne. La tête est jaune, on prend les signes ici, on prend les signes là-bas, nous combinons et nous disons ça, ça donne telle maladie. Ceci est pour l'hypothèse. Bon. Et des fois, vous allez vous trouver avec une ordonnance de 12 médicaments. Qui est censé résoudre vos problèmes. Le médecin a écrit même deux ordonnances, deux papiers différents. Chaque lieu de fonction. Maintenant, quand vous êtes là, quand vous fondez, il y a ma carte, il y a ma kissi. Vous êtes là, il y a une condition malade plus qu'avant. Oh, mais là-haut. Et puis l'autre, tu prends encore l'autre, c'est comprimé. Des fois, mais tu moi, tu as des mots, banagas, à l'oboko. Je vais comprimer. Il y a jaune, il y a rouge, il y a noir, il y a bleu, il y a violet. Et toi, il y a le boko. Le quoi la bangouba. Tiens, nous sommes monogo. Zover et maï. Nous, d'abord, il est raté. Zoua les sous, zoumis, monogo, goupa. Après, aïe, tu as tout vomi. Et le Mercedes dit, tu dois aller prendre. Quel calvaire. On n'a pas fini. Et que des fois, juste cet exercice sera encore deux fois malade. Courage, non, ceci, les autres, les ennemis. Mais ton créateur te connaît mieux que toi-même. Il peut dire seulement un mot. Et tous tes mots sont partis. En arrière de ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et la foi vient de la foi. Qui sait si déjà ta maladie a commencé à prendre la fuite? Pendant que nous parlons simplement. Oh, bah, pas si gaï. Mais nous, qu'on a dit, on m'a avec des pensées, des sentiments. Mais bah, bébé, c'est la polé, le connaît, mais c'est là. Ngaï de mon, pas n'a gaï ici. N'a mon, qu'est-ce qu'on a résisté au bagout de mangaï? C'est qu'on a mis sur la précaution. Bam! Et peut-être sans que tu le remarques, tu es déjà guéri. Peut-être qu'il faut compter même 3 mois. Si à un moment donné, j'avais tel symptôme. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais plus rien. Tu étais déjà guéri. Pendant la prédication même. Parce qu'il est écrit que l'homme ne découvre pas ce que Dieu est en train de faire. Il réalise des fois quand c'est déjà au passé. Il se rend compte que la main de Dieu était déjà passée par là. Pour ça, écoutez toujours la parole. Qu'elle vous fasse tous les biens que Dieu fait. Écoutez, écoutez la parole. Elle peut guérir, elle peut créer, elle peut sauver, elle peut sanctifier, elle peut délivrer, elle peut délier, elle peut changer les choses. La parole. Aimons-nous la vérité? Allons-nous le faire? Oh, bonne pratique de la parole. Donc, si le don vous dit quelque chose, soyez assez humble. Il peut se faire que ce soit quelqu'un qui a fait un rêve à vous. Un rêve vrai. Il vient. Allez. Bon, je n'avais pas pensé à vous. Voilà ce que je veux y arriver. Bon, frère! C'est le diable! Vous allez à Zabou. Et bah. Frère Brenham me dit. Si ce que le rêve va montrer. C'est bien réellement de Dieu. Et que la personne par son orgueil. Parce qu'il ne veut pas s'humilier. N'a pas la nature d'humilité. S'oppose. Le Saint-Esprit le jugera. Pour avoir rejeté un message venant de lui. Le Saint-Esprit les jugera. Et vous qui avez raconté les songes, ne vous en faites aucun souci. Parce qu'on l'a rejeté, parce qu'on l'a dépiécé, parce qu'on l'a diabolisé. Restez tranquille, que Dieu s'occupera de l'incrédule. Vous avez passé le message, continuez votre chemin. N'en faites pas des histoires de discussion. Vous cherchez à prouver que c'est vrai. Laissez Dieu s'occuper de la personne. Il y a un moment où Dieu va l'humilier. C'est pour ça, soyez humble avant que Dieu ne vous humilie. L'Écriture ne nous dit pas de rejeter les choses en bloc. Elle nous ordonne d'examiner toutes choses. Et retenir ce qui est bon. Si vous examinez, si vous trouvez que ça ne cadre pas, j'ai écouté, j'ai examiné, mais je n'arrive pas à me retrouver. Laissons ça à Dieu, le juste. Oh non, vous devez croire. Non, non. Je ne veux pas croire de force. Si je ne me retrouve pas, je viens de dire que je ne me retrouve pas. N'est-ce pas vrai? C'est aussi simple que ça. Vous allez peut-être vous n'allez pas nous faire des histoires ou déranger la communauté fraternelle à cause des sentiments et des préjugés. Soyons souples. Et examinons toujours. Si tu ne peux rien en dire, continue à examiner. Si l'examen va prendre 2 ans, ne te fais pas de soucis. Mais moi j'avais rêvé. Je vais avoir la suite, non? Toi tu as rêvé, tu ne vas pas voir la suite chez moi. Non, c'est lui qui t'a montré les choses qui te font. Moi aussi je dois examiner comme dit la parole. Et je dois retenir ce qui est bon. Et quand je ne me retrouve pas, je laisse ça comme ça. Je n'en dirai ni bien, ni mal. Je continuerai mon chemin. Amen, amen. Amen. Quelle situation. Maintenant, le vendredi, nous avons encore lu, c'était notre frère Branham toujours, dans la prédication nourriture spirituelle au temps convenable. Vous vous souvenez? Nourriture spirituelle au temps convenable. Nous avions lu, mais j'aimerais récapituler, revenir à quoi je veux faire remarquer là. Nourriture spirituelle, autant que venable, le 18 juillet 1965. Le paragraphe 141. Maintenant, depuis très très longtemps, je n'ai pas tenu ce genre de ligne de prière. Combien se rappelle ma commission quand construisions la commission à laquelle il faut allusion ici, bien que elle remonte à l'époque de la construction du tabernacle et que le premier tabernacle du Branham tabernacle a été dédicacé en 1934. L'église était si pauvre à l'époque parce que le monde venait de subir la récession économique depuis l'an 1929. Et une des premières crises économiques du 20e siècle. L'argent était devenu difficile. Vous vous souvenez quand le Branham tabernacle a fait la première collecte? Tout le monde là qui devait cotiser, ils ont mis ensemble combien? Pour construire l'église. Combien? Le panier a rapporté combien? $2 4 000 francs congolais. L'équivalent de 4 000 francs congolais. Toute une église! De beaucoup de gens, le premier service de baptême avait produit plus de 300 fidèles. Donc une assemblée plus nombreuse que la nôtre ici. Déjà le premier service de baptême. Mais quand ils ont fait la collecte, tout ce monde-là n'a pu réunir que $2. Alors, par exemple, quand il raconte cette histoire, il fait rire aujourd'hui. Il dit, mais en ce temps-là, c'était beaucoup d'argent. Tellement la crise était grande dans le monde entier. Alors, l'église a été obligée d'aller prendre un crédit à la banque. Et on a utilisé l'argent pour construire. Alors, ils ont pris un crédit qu'ils devaient rembourser pendant 10 ans. Selon leurs faibles capacités. On leur a donné quelques milliers de dollars. Vous payez ces 2 dollars, vous payez. Et vous regardez, ok, c'est tout ce que Dieu a pu nous donner. On ne va pas voler, ni mendier. C'est ce que le panier a rapporté. Vous allez voir qui tourne à aimer. Faites votre part. Dieu, en son temps, fera sa part. Amen. Amen. Ils ont dit rembourser. Au bout de 2 ans, la grâce de Dieu. Quand vous êtes dans les maisons extérieures. Alors, à cette époque, ils ont construit le tabernacle. Avant de construire, il y a eu le premier service de baptême. Le 18 juin 1933. À cette occasion-là, la première commission a été donnée à Frère Branham. Mais dans cette brochure, quand il parle de sa commission, à l'époque où on devait construire le tabernacle, il ne fait pas allusion à l'événement de la rivière Ohio. Du 30 juin 1933. Mais ici, il se réfère au jour de la pose de la pierre angulaire. Et pour là, ce qu'il faut comprendre chaque vérité dans son contexte. Si vous allez tout mélanger et ce sera Babylone. Combien se rappelle ma commission? Quand nous construisions ce tabernacle, il a béni. Fait l'œuvre de l'évangéliste. Est-ce que c'est ça la rivière Ohio? Que l'ordre était donné de faire l'œuvre de l'évangéliste. Il avait dit, fait l'œuvre de l'évangéliste. Il n'avait pas dit que j'étais un évangéliste. Mais il avait dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Vous voyez, car l'heure viendra où ça devra être changé. Voilà là où je voulais attirer votre attention. Quand Dieu lui a dit ça dans la commission intermédiaire, en 1934, c'est parce que l'heure allait venir où l'œuvre d'évangéliste à laquelle Dieu l'a soumise allait être changée. Cette heure-là allait venir. Et notez déjà qu'en 1960, Frère Branham revient pour dire, mon ministère est en train de changer. Mon ministère est en train de changer. 1960. Et quand il dit que le ministère est en train de changer, il se réfère cette fois-là encore à la commission de 1945. Il dit, il y a 14 ans que l'ange avait donné la commission. Mais maintenant, c'est en train de changer. Est-ce que vous me suivez bien? Pourtant, en 1965, il parle de ce qui s'est passé en 34. La commission de l'époque, vous devez conduire le programme tabernacle. Il avait été dit, fais l'œuvre de l'évangile. Et en 1946, l'ordre était donné d'aller prier pour les malades. 1934, fais l'œuvre de l'évangéliste. 1946, va prier pour le malade. Avec le message dans le monde entier. 1960, Le ministère est en train de changer. Par rapport à l'œuvre d'évangéliste, un don de guérison, il a été clairement révélé en 1946. Et le don de guérison, marché de père, avec l'ordre de faire l'œuvre d'évangéliste. Donné depuis 1950. Est-ce que vous suivez? Et nous traitons ça dans le cadre de la deuxième commission. En 1934, il n'y a eu ni ange qui est venu de la part de Dieu, ni colonne de feu manifestée. Mais Dieu avait donné juste une vision. Et le contenu de la vision est appelé une commission. Et bien, ami, Moussala. On appelle ça commission. Et on appelle ça Moussala. Le contenu de la vision est appelé à 1934. Parce que en 1933, c'était un événement qui s'est produit devant des milliers de personnes. Et après cette vision-là, l'ordre est clair, consisté à faire l'œuvre de l'évangéliste. Qui dit amen? Et des années plus tard, 12 ans après cela, nous tombons au 7 mai 1950. Un homme vivant, sans sel, qui s'est présenté comme étant un ange envoyé de la présence de Dieu. Il est entré dans la maison où était ce bonheur. Et lui a dit de ne pas avoir peur. Il lui a donné des directives. Et Branham a prêché quand il a dit ça. Comment l'ange est venu à moi. Et sa commission se référera à l'événement. Est-ce que nous avançons ensemble? Il y a l'ordre de prier pour les malades. Et à cela Dieu a ajouté deux signes, comme il en avait donné deux aussi à Moïse. Et dans la deuxième commission, il dit amen. Ils ont d'abord ce qu'il avait vu en 1934. Ce qu'il y a eu là. Dans la prédication, Dieu tient sa parole. J'aimerais que vous voyez d'abord ça. Dieu tient sa parole. Non, c'est plutôt, excusez. L'imitation du christianisme. Très bien. L'imitation du christianisme, le 20 janvier 1950. Nous lisons ceci. Paragraphe 12. Ok.